Enseignement par le vénérable Sayadaw Upanyaswamy, retraite Vipassana 2002. Yesterday, I told a story. In that story, the Buddha put the four questions to the girl who practiced Maranānusati, mindfulness on death. Where have you come from? Where are you going to? Don't you know? Don't you really know? Then, do you know? The girl answered three questions, no. Only she answered for one question. Yes, she do know. So after putting the questions, the Buddha added the stanza. Andi Buddha ayan loko tenuketa vipassati sukuno jala mauto wa aposakaya kachati. People are in the world blind. Only a few people see clearly, just as only a few birds escape from the hunter's net. Hier, je vous ai raconté l'histoire de Visakhara, une jeune femme qui pratiquait Maranānusati, la contemplation de la mort, et à qui le Bouddha avait posé 4 questions. D'où viens-tu? Où vas-tu? Ne sais-tu pas? Sais-tu? À 3 de ces questions, la jeune femme répondit non, et à 1 question, elle répondit oui. Lorsqu'il entendit les réponses de la jeune femme, le Bouddha prononça les paroles suivantes. Dans le monde, les gens sont aveugles. Ceux qui voient sont aussi peu nombreux que les oiseaux qui échappent au filet du chasseur. Un nombre limité de personnes naissent dans les sugatis, les plans supérieurs. Un nombre très limité de personnes voit la réalité telle qu'elle est vraiment. Hier, je vous ai expliqué ces paroles du Bouddha. Seul un nombre limité de personnes voit la réalité telle qu'elle est vraiment. Et aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement à ce propos. Hier, je vous ai donc expliqué comment vous, méditant, vous expérimentez spontanément les 4 éléments, Patavedhatu, l'élémentaire, la dureté ou la douceur, Apodhatu, l'élément eau, la fluidité, la cohésion, Tejodhatu, l'élément feu, chaleur ou froid, et Vayodhatu, l'élément air. Grâce à votre attention, vous avez expérimenté tout cela dans votre méditation, vous l'avez expliqué à l'entretien. Je vais maintenant vous expliquer comment vous expérimentez spontanément les 5 agrégats lorsque vous pratiquez la méditation. Vous savez qu'il y a 5 agrégats. En pali, on parle des khandas. Rupa khanda, Vedana khanda, Sanya khanda, Sankara khanda et Vijnana khanda. Vous ne comprenez peut-être pas ces mots, surtout si je les dis en pali, mais vous les avez tous expérimentés. Rupa, c'est le groupe de la matière, de la corporéité. Vedana khanda, c'est le groupe des sensations. Sanya khanda, c'est le groupe des perceptions. Sankara khanda, c'est le groupe des formations mentales. ou des intentions, et Vijnanakanda, c'est le groupe de la conscience. Si vous êtes capable de noter ne fût-ce qu'un seul mouvement de soulèvement ou un seul mouvement d'abaissement sans pensée, vous avez spontanément expérimenté ces cinq agrégats. Les yogis s'efforcent de noter très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Plus vous fournissez d'efforts, mieux vous réussissez à noter ces mouvements, et vous expérimentez automatiquement les cinq agrégats. Il y a le soulèvement de l'abdomen et ensuite l'abaissement de l'abdomen. Vous notez ce soulèvement et ensuite vous notez l'abaissement. Vous expérimentez le soulèvement et ensuite vous expérimentez l'abaissement. Le mouvement de soulèvement et le mouvement d'abaissement sont Rupakanda, l'agrégat de la matière, de la corporéité. Le fait d'en prendre conscience, de les expérimenter, de les remarquer, c'est l'agrégat de la conscience. Nous avons donc déjà deux agrégats, Rupakanda et Vijnanakanda. Vous les avez spontanément expérimentés. Vous allez peut-être réussir à observer ces mouvements avec beaucoup de précision. Vous vous sentez satisfait, vous êtes content de votre pratique. Vous êtes content car vous pratiquez bien. Vous expérimentez un sentiment de bonheur, de satisfaction. Parfois, c'est le contraire qui va se passer. Vous ne réussissez pas à maintenir votre esprit fixé sur l'objet malgré vos efforts. Vous avez alors du désappointement. Vous aimeriez pouvoir noter avec précision, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes malheureux, vous êtes déçu. Ce bonheur ou cette déception sont des sensations et vous avez donc expérimenté Vedanakanda, l'agrégat des sensations. Parfois, vous êtes heureux lorsque vous réussissez à noter, parfois vous êtes malheureux lorsque vous n'y arrivez pas. Vous avez une sensation de bonheur ou une sensation de déception. Expérimenter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen suppose que vous les avez reconnus comme tels. C'est Sanyakanda, l'agrégat de la perception. Vous avez reconnu le soulèvement, vous avez reconnu l'abaissement. Vient ensuite l'agrégat des formations mentales ou des intentions, Sankarakanda. Selon l'enseignement du Bouddha, il y a 50 formations mentales. Mais dans le cas qui nous occupe, l'agrégat des formations mentales consiste à diriger l'attention vers l'objet. Pour pouvoir observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen avec précision, il faut diriger l'esprit vers ces objets. Le fait de diriger l'attention vers l'objet, c'est l'agrégat des formations mentales, des intentions, Sankarakanda. Donc, en résumé, si vous êtes capable d'observer ne fût-ce qu'un mouvement de soulèvement, vous avez spontanément expérimenté les cinq agrégats. Si vous réussissez à noter ne fût-ce qu'un seul mouvement d'abaissement, vous avez également expérimenté spontanément les cinq khandas. Vous ne pratiquez pas qu'en posture assise, vous devez également pratiquer en marche. Le Bouddha a enseigné 4 postures pour la méditation. Il nous dit que lorsqu'un méditant marche, il doit savoir qu'il marche. Lorsqu'il est assis, il doit savoir qu'il est assis. Lorsqu'il se tient debout, il doit savoir qu'il est debout. Et lorsqu'il est allongé, il sait qu'il est allongé. Ces instructions sont très simples, mais elles ne sont pas faciles à mettre en application. Nous suivons donc les instructions du Bouddha et pratiquons en marche. Lorsque nous pratiquons la méditation en marche, nous devons nous conformer aux instructions de façon très précise. Le corps doit être maintenu bien droit, Il ne faut pas pencher la tête trop vers l'avant, sans quoi nous aurons des maux de tête. On garde les yeux baissés, sans regarder autour de soi, car si on se met à regarder autour de soi, on verra toutes sortes de choses, les pensées vont affluer et on ne pourra plus être attentif à l'objet. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de diriger le regard vers le bas. Ainsi, vous voyez à 5 mètres devant vous, sans plus, et vous ne reconnaissez pas la personne qui est passée à côté de vous. C'est de cette façon qu'il faut pratiquer la marche. Vous observez les mouvements des pieds, vous abandonnez l'abdomen. Vous commencez par faire une note à chaque pas. Vous répétez mentalement, pas gauche, pas droit. Ne dites pas gauche, droite. Dites pas gauche, pas droit. Ne dites pas non plus pied gauche, pied droit. Si vous dites gauche, droite, cela revient à observer un objet qui n'est pas encore apparu. Car lorsque vous aurez terminé de dire « gauche », le pied ne sera pas encore arrivé à destination. Donc, si vous voulez rester dans l'instant présent, vous devez dire « pas gauche, pas droit ». De cette façon, vous observez dans l'instant présent, au moment précis où le phénomène a lieu. Vous allez pratiquer ainsi, et lorsque vous serez arrivé au bout de votre espace de marche, vous allez vous arrêter et noter la station debout. Vous répétez mentalement « debout, debout, debout ». Vous devez observer le corps dans la posture debout. À l'entretien, vous devrez décrire ce que vous avez expérimenté de la même façon que vous décrivez la posture assise avec toutes les expériences que vous avez eu au moment où vous observiez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous allez ensuite tourner très lentement en étant très attentif. Prenez tout votre temps. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est être attentif. Donc ne vous pressez pas. Vous avez tout le temps. Vous notez tourner, tourner, tourner. Vous répétez plusieurs fois ce mot et vous vous arrêtez de nouveau pour observer la station debout. De nouveau, vous répétez debout, debout. De cette façon, votre méditation en marche sera très précise et vous réussirez à expérimenter toutes sortes de choses. Si vous n'êtes pas très précis dans votre observation au moment de la marche, les pensées vont affluer dans votre esprit. S'il y en a malgré tout, vous devez vous arrêter et noter « pensée, pensée ». Vous devez le faire dès qu'elles apparaissent, avec beaucoup d'attention. Si vous ne les notez pas très attentivement, elles ne disparaîtront pas. Il faut donc les noter au moment précis où elles se manifestent, et dès qu'elles ont disparu, vous recommencez à observer les mouvements du pied en répétant « pas gauche, pas droit ». Il est possible qu'il y ait des pensées très fugaces. Vous ne devez pas noter « pensée » à ce moment-là. Essayez de vous concentrer davantage sur les pas. Plus vous serez attentif aux mouvements des pieds, moins il y aura de pensées, elles vont diminuer, mais si l'effort est faible, si l'énergie mentale est faible, si la volonté est faible, il y aura beaucoup de pensées. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à noter avec beaucoup d'attention. De cette façon, vous pourrez expérimenter les 5 agrégats pendant la méditation en marche. Si vous avez compris les explications que j'ai données à propos de la méditation assise et de la façon dont vous expérimentez les 5 agrégats au moment où vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous comprendrez facilement que le pas gauche, le pas droit, c'est Rupa Kanda, l'agrégat de la corporéité ou de la matière, que le fait de noter ces mouvements, c'est l'agrégat de la conscience, que les sensations de joie ou au contraire de frustration, si vous ne réussissez pas à maintenir votre esprit fixé sur les pas, c'est l'agrégat des sensations que la reconnaissance des pas comme étant le pas gauche ou le pas droit, c'est l'agrégat des perceptions, l'esprit perçoit qu'il s'agit du pas gauche ou du pas droit. Pour observer le pas gauche et le pas droit, vous devez diriger votre esprit de façon très précise vers l'objet, et ceci, c'est l'agrégat des formations mentales. Vous expérimentez donc spontanément les cinq agrégats au moment où vous pratiquez la marche. Je vous ai expliqué comment vous expliquer les cinq agrégats au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, au moment où vous pratiquez la marche et que vous notez pas gauche, pas droit. Vous pouvez donc maintenant comprendre que vous expérimentez également les cinq agrégats au moment où vous voyez un objet. Vous les expérimentez également lorsque vous entendez un son, lorsque vous goûtez une saveur, lorsque vous sentez une odeur. Vous devez être maintenant en mesure de comprendre cela. Et lorsque vous passez à la posture assise, que vous notez passer à la posture assise, passer à la posture assise, lorsque vous vous levez et que vous notez se lever, vous expérimentez également les cinq agrégats. Le Bouddha nous a dit, seul un nombre limité de personnes voit la réalité telle qu'elle est vraiment. Dans les cinq agrégats, le méditant peut constater qu'il n'y a aucune âme, aucune entité permanente, aucune personnalité à trouver. Lorsqu'il note, aucun je, tu ou il n'est impliqué dans ce processus. Il n'y a que la compréhension claire. Pas d'entité permanente, pas d'âme, pas de personnalité qui noterait. Personne qui a créé quoi que ce soit. Il n'y a que cinq agrégats. En pratiquant, le yogi voit donc les choses telles qu'elles sont vraiment. Ce que vous expérimentez directement par vous-même dans la pratique est appelé Bhavana Maya Jnana, la connaissance expérimentale. Mais il y a en fait trois niveaux de connaissance. Lorsque vous étudiez la théorie, comme par exemple les cinq agrégats, l'octuple sentier, il s'agit d'une connaissance théorique Sutamaya Jnana. Lorsque vous réfléchissez, que vous faites des déductions logiques, c'est encore une autre forme de connaissance Chintamaya Jnana. Ces deux dernières connaissances ne sont pas la connaissance véritable, seule Bhavana Maya Jnana, la connaissance acquise par expérimentation, ce que vous avez expérimenté directement par vous-même grâce à votre attention, comme par exemple les cinq agrégats, les quatre éléments, tout cela, c'est la véritable connaissance. Voyons maintenant comment le méditant expérimente spontanément les huit facteurs de l'octuple sentier lorsqu'il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si vous avez réussi à observer ne fût-ce qu'un seul mouvement de soulèvement ou un seul mouvement d'abaissement, si vous avez réussi à noter le pas gauche ou le pas droit ne fût-ce qu'une seule fois, vous avez expérimenté l'octuple sentier. Je vais essayer de vous expliquer comment vous expérimentez spontanément ces huit facteurs lorsque vous méditez. Les huit facteurs de l'octuple sentier sont Samavaccha, Samakamanta, Samajiva. La parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Ces trois facteurs constituent le groupe de la moralité. Ensuite, samavayama, l'effort juste, samasati, l'attention juste, et samasamadhi, la concentration juste. Ces trois facteurs constituent le groupe de la concentration. Samadhiti, la compréhension juste ou la vue juste, et samasankappa, la pensée ou intention juste. Ces deux derniers facteurs constituent le groupe de la sagesse. Avant de débuter le stage, vous avez pris l'engagement d'observer les 8 préceptes. Vous avez donc déjà le premier groupe, le groupe de la moralité. Samavacha, vous ne parlez pas, c'est la parole juste. Samakamanta, l'action juste. Puisque vous ne tuez pas, vous ne volez pas. Vous avez Samajiva, vous ne vendez pas d'intoxicants. Ces trois premiers facteurs qui constituent le groupe de la moralité est donc présent en vous lorsque vous débutez la méditation. Lorsque vous observez le mouvement de soulèvement de l'abdomen, vous devez fournir un effort. Sans effort, et surtout sans l'effort mental, vous ne réussirez pas à noter le mouvement de soulèvement ou le mouvement d'abaissement de façon précise. Vous ne réussirez pas à noter ni le pas gauche ni le pas droit, car les pensées seront nombreuses et vous ne verrez pas clairement les objets. Votre esprit sera agité, vous ne pourrez pas observer de façon très précise. Si vous réussissez à noter ne fût-ce qu'un seul mouvement de soulèvement, les 8 facteurs de l'octuple sentier sont automatiquement présents en vous. Car si vous avez réussi à noter ce soulèvement de l'abdomen, c'est parce que vous avez fourni un effort dans le but de comprendre. C'est samavayama, l'effort juste. Vous essayez d'être très attentif pour bien comprendre ce mouvement de soulèvement de l'abdomen. C'est samasati. Si samasati est présente, la concentration l'est automatiquement. L'esprit reste fixé sur l'objet et ne vagabonde pas. Il reste fixé sur l'abdomen. C'est samasamadhi, la concentration juste. Vous avez donc les trois facteurs du groupe de la concentration. Bien ensuite, samadhiti, la compréhension juste. Lorsque vous notez le mouvement de soulèvement de l'abdomen, vous expérimentez simplement un mouvement de soulèvement. Vous ne réfléchissez pas, vous ne faites pas de commentaires. C'est la compréhension juste. Lorsque l'abdomen s'abaisse, vous expérimentez ce mouvement d'abaissement sans réfléchir. C'est la compréhension juste. Parfois, vous avez l'impression que quelque chose vous pousse vers le haut. Vous ressentez une pression. Tout cela, c'est la compréhension juste. Vous comprenez que le mouvement lui-même, c'est la matière, que le fait d'en prendre conscience, c'est l'esprit. C'est également, samadhiti, la compréhension juste. Vous avez les vues justes, les vues claires. Le facteur suivant, c'est samasankappa, l'intention juste. À ce stade, vous n'êtes probablement pas encore en mesure d'expérimenter l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence d'une entité permanente lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais ce que vous savez par contre, c'est que si vous ne dirigez pas votre attention vers l'abdomen, vous ne pourrez pas expérimenter ces mouvements avec précision. Vous savez que pour expérimenter clairement ces mouvements, vous devez diriger votre esprit vers cet objet. Le fait de diriger l'attention vers l'objet, c'est samasankappa, l'intention juste. Vous avez expérimenté samasankappa. Ceci termine l'explication à propos de la façon dont les yogis expérimentent les quatre éléments, les cinq agrégats et les huit facteurs de l'octuple sentier, au moment où ils pratiquent la méditation, mais il y a encore d'autres choses, d'autres dhammas qui peuvent être expérimentés. Le Bouddha a parlé des sept facteurs d'illumination, des quatre nobles vérités, des douze bases sensorielles, mais nous n'avons pas le temps d'expliquer tout cela en détail. Si vous comprenez les trois premiers dhammas, les quatre éléments, les cinq agrégats et les huit facteurs de l'octuple sentier, votre compréhension a déjà atteint un très bon niveau. La retraite est très courte, elle ne dure que 10 jours, mais vous avez appris et expérimenté beaucoup de choses. Plus vous pratiquerez la méditation vipassana, plus vous comprendrez. Votre compréhension va s'approfondir par le simple fait de noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, d'étendre ou de ramener le bras, de noter pas gauche, pas droit au moment de la marche. Vous savez donc maintenant comment il est possible d'expérimenter très clairement le Dhamma. J'aimerais ajouter que vous êtes très fortuné, vous avez les paramis, puisque vous vous montrez intéressé par le Dhamma, vous êtes désireux de pratiquer la méditation dans le but de comprendre la véritable nature des choses. Il faut savoir que ce Dhamma n'est pas accessible n'importe où. Ce n'est pas le cas de la technologie, car de nos jours, on peut étudier ces choses un peu partout dans le monde. Mais le Dhamma qu'on vous enseigne ici n'est pas accessible partout. Vous avez la possibilité d'apprendre la méditation et de pratiquer dans ce centre. Cette connaissance vous sera très utile dans la vie quotidienne, vous allez pouvoir l'appliquer tous les jours. Lorsque vous avez expérimenté suffisamment, vous pourrez même atteindre la libération dans cette vie même. Si vous n'avez encore atteint aucun stade d'illumination, vos expériences vont malgré tout vous aider à rencontrer des amis spirituels, des Kalyanamita, et avec leur aide, vous pourrez pratiquer et atteindre facilement l'illumination. Vous devez donc vous considérer comme très fortuné, car vous avez les paramis. Je voudrais terminer en vous expliquant comment vous avez expérimenté les connaissances vipassana. La première de ces connaissances, c'est la différenciation entre les phénomènes physiques et mentaux. La deuxième, c'est la loi de causalité. À l'entretien, vous avez expliqué que vous avez observé les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que vous avez réussi à voir le mouvement très clairement. Vous avez réussi à observer le pas gauche et le pas droit au moment de la marche, vous avez chaque fois perçu le mouvement et vous avez compris qu'il s'agissait de la matière, que l'esprit qui prenait conscience de ce mouvement était le phénomène mental. Le soulèvement de l'abdomen, c'est la matière. Le fait de le noter, c'est l'esprit. L'abaissement de l'abdomen, c'est la matière. Le fait de le noter, c'est l'esprit. Il y a donc chaque fois deux choses qui se manifestent, un phénomène physique et un phénomène mental. En dehors de l'esprit et de la matière, il n'y a rien. Vous avez compris cela très clairement. Vous avez également compris que ces deux choses sont séparées, distinctes l'une de l'autre. La conscience est une chose, l'abaissement lui-même c'est la matière et c'est autre chose. Ces deux phénomènes sont séparés. L'esprit, c'est l'expérience, le savoir. La matière, C'est ce qui est dépourvu de conscience, ce qui ne sait rien. Vous avez fait la différence entre ces deux choses. Lorsqu'une personne meurt, la conscience disparaît. Le corps ne sait rien. Lorsque nous pratiquons la méditation vipassana et que nous sommes attentifs, nous pouvons constater que l'esprit qui note est ce qui expérimente, ce qui se souvient. Lorsque l'abdomen se soulève, c'est l'esprit qui expérimente et qui sait. Lorsque le yogi voit tout cela et comprend tout cela, il réalise qu'il n'y a en lui que deux choses, la matière et l'esprit, la conscience. Dans l'esprit, il n'y a aucune entité permanente, pas de je, pas de tu. Dans la matière, il n'y a pas non plus d'entité permanente, pas de je, pas de tu. Le méditant comprend clairement l'esprit et la matière. Et lorsqu'il pratique la marche, qu'il note pas gauche, pas droit, c'est la même chose. S'il a compris l'esprit et la matière au moment où il observait les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il comprendra facilement l'esprit et la matière au moment où il notera pas gauche, pas droit. Il comprendra également l'esprit et la matière au moment où il étirera le bras, où il le repliera, au moment où il observera le redressement du corps, le fait d'entendre, de sentir, etc. Vous comprendrez cela très clairement. Et pourquoi observez-vous les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen? Tout simplement parce qu'ils sont apparus dans votre ventre. C'est parce qu'ils se sont produits que vous en prenez conscience. Vous notez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen tout simplement parce que ces phénomènes ont eu lieu, parce qu'ils se sont présentés dans votre ventre. Vous comprenez ainsi les causes et les effets. Le soulèvement et l'abaissement sont la cause pour la prise de conscience. La prise de conscience est l'effet. Au moment où vous notez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, vous allez peut-être observer la disparition de ces mouvements. Subitement, il n'y a plus de soulèvement, plus d'abaissement. Est-il alors possible de noter soulèvement-abaissement? Non, vous ne notez plus. Pourquoi? Parce que les mouvements ont disparu. Les mouvements ne sont plus là dans votre ventre. Et de nouveau, vous comprenez les causes et les effets. Il se peut parfois qu'au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, subitement la respiration devienne prédominante. Vous observez alors la respiration spontanément, sans l'avoir vraiment voulu, et vous constatez que si les mouvements de l'abdomen se produisent, c'est à cause de la respiration. Vous ne savez peut-être pas que vous avez expérimenté les causes et les effets, mais en réalité, vous les avez expérimentés. C'est à cause de la respiration que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen ont lieu. S'il n'y avait pas la respiration, il n'y aurait pas de mouvement dans l'abdomen. Le yogi a expérimenté les causes et les effets. Certains yogis expliquent qu'ils notent l'intention avant de lever le pied. Ils ont donc pu également expérimenter les causes et les effets. Si le pied s'élève, c'est à cause de l'intention. Ils ont ensuite noté l'intention d'avancer le pied. Et ensuite, ils ont observé le pied qui s'avançait. Ils ont noté l'intention d'abaisser le pied et ont vu ensuite le pied qui s'abaissait. Ils ont donc compris que si les mouvements d'élévation, d'avancement et d'abaissement ont lieu, c'est parce qu'il y a l'intention qui précède ces mouvements. Ils ont compris les causes et les effets. Il faut cependant préciser à propos de l'intention qu'il vaut mieux ne la noter qu'au moment où on s'apprête à lever le pied. On peut alors répéter 2 ou 3 fois, intention de lever le pied, intention de lever le pied, intention de lever le pied, et ensuite on observe le mouvement lui-même. Lorsqu'on arrive à la fin du mouvement d'élévation, ne notez pas l'intention d'avancer, avancez directement le pied. Lorsque vous vous apprêtez à baisser le pied, ne notez pas non plus l'intention d'abaisser, abaissez directement le pied. Car si vous devez noter l'intention, il faudra que vous arrêtiez le mouvement. Si vous notez l'intention, votre pied est encore en mouvement. Vous n'observez donc pas dans l'instant présent. Si vous notez l'intention, il y a beaucoup de chances que votre pied soit déjà en mouvement, alors que vous êtes encore en train de noter l'intention. Vous n'êtes donc plus dans l'instant présent. Si vous aimez noter l'intention, faites-le simplement au début du mouvement d'élévation, mais lorsque le pied s'avance et lorsqu'il s'abaisse, ne notez pas l'intention. Lorsque votre attention sera devenue très forte et très fine, vous verrez spontanément qu'une intention précède chaque fois les mouvements, même si vous ne la notez pas délibérément. Vous savez qu'il y a une intention avant de lever le pied, avant de l'avancer et avant de l'abaisser. Mais pour voir cela, l'attention doit être très forte et très développée. Au début, il n'est pas possible de le voir. C'est pourquoi il est recommandé de ne noter l'intention qu'au moment où on élève le pied, mais pas après. Nous devons également noter l'intention dans les activités quotidiennes. Lorsque nous nous abaissons, il faudra noter l'intention avant de s'abaisser. Si nous avons l'intention d'étendre le bras, il faut d'abord noter cette intention avant de passer au mouvement. Avant de nous asseoir, nous devons noter l'intention de le faire. Avant de nous relever également, nous devons noter l'intention de se relever. Si vous avez l'intention de parler, vous devez d'abord noter l'intention avant de parler. Vous répétez mentalement « intention de parler », puis « parler, parler ». Il faudra donc noter l'intention dans toutes les activités quotidiennes et pas seulement pendant la marche. Si vous voulez donc développer votre attention, si vous voulez qu'elle devienne forte et puissante, il faudra noter en détail tout ce qui se passe à chaque instant. Imaginons par exemple que vous soyez occupé à méditer en posture assise et vous avez une sensation de sécheresse dans la bouche. Cette sensation de sécheresse provoque le désir de boire. Vous devez alors répéter mentalement soif, soif, sécheresse, sécheresse, désir de boire, désir de boire. Vous allez ensuite vouloir prendre le verre et vous devez noter désir d'étendre le bras, désir d'étendre le bras. Ensuite, vous observez le mouvement. Avant de toucher le verre, vous notez l'intention de toucher le verre. Ensuite, toucher, toucher. Vous ramenez ensuite le bras et vous notez intention de ramener le bras, puis intention d'ouvrir la bouche, ouvrir la bouche. Puis intention de boire, puis boire, boire, intention d'avaler, avaler, avaler. Vous devez noter tous les détails de cette activité. Si vous procédez ainsi, vous allez expérimenter beaucoup de choses. Comme vous aurez passé beaucoup de temps à noter toutes les intentions et tous les mouvements, il se peut même que le désir de boire ait disparu, d'autant plus que vous aurez probablement ressenti comme très pénible de devoir noter toutes ces choses. Le simple fait de boire une gorgée d'eau vous aura obligé à faire un grand nombre d'annotations. Vous aurez ainsi expérimenté dukkha. Et c'est de cette façon que vous devez pratiquer. Vous devez maintenir l'attention de façon ininterrompue. Un moment d'attention doit être immédiatement suivi du moment d'attention suivant. En notant ainsi, sans interruption, vous allez réaliser les causes et les effets. Vous comprendrez quelles sont les causes et quels sont les effets. Vous aurez ainsi réalisé la deuxième connaissance vipassana. And think that's enough for today. Okay, may you be well and happy. May you be able to practice meditation ardently and energetically. May you be able to continue your practice until you achieve what you have aimed, the Dhamma, understand clearly. Then may you attain Nibbana.